Nous accueillons aujourd'hui au micro de Radio Côte Basque le duo Séan, composé de Ophélie et Stéphanie, qui vont se présenter les unes l'une à tour de rôle. Alors, on commence par qui ? Par moi. Alors, et toi, c'est ? Stéphanie. Stéphanie. Alors, dis-nous tout, Stéphanie. Donc, ben voilà, je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans, j'habite à Vielle-Saint-Girons et je suis passionnée de course à pied depuis maintenant 5 ans. Et ouais. J'ai rencontré Ophélie il y a à peu près 5 ans. C'est moi qui ai tout révélé. Voilà. Et du coup, on a eu un gros coup de cœur amical. Depuis, on ne s'est jamais quitté et on n'arrête pas de faire de plus en plus de choses ensemble. Et notamment cette dernière folie, le fait de s'inscrire à un raid 100% féminin en Guadeloupe. Voilà pour ma présentation. Et d'accord. Je suis coiffeuse. Et tu es coiffeuse. Voilà. Très bien. Ensuite. Donc, moi, je m'appelle Ophélie, j'ai 35 ans aussi parce qu'on fait un peu tout pareil et on est mené le même mois de la même année. On a quelques jours d'écart. Moi, je suis aide-soignante et je suis landaise de cœur depuis 5 ans, puisqu'avant j'étais en région parisienne. D'accord. Et j'ai découvert le sport il y a 5 ans, parce qu'avant je ne faisais pas du tout de sport à part métro, boulot, dodo. Ouais. Et donc voilà, je me suis mise tranquillement à la course à pied avec Stéphanie. Quand je faisais 2 km, j'étais bien fière de moi. Et puis maintenant, elle arrive à me faire courir 20 km. Et puis, donc voilà. Des défis toujours plus fous. Ouais. Les années passent. Au début, c'était 10. Après, des trails, des semi-marathons. Et puis maintenant, 5 jours de raid multi-aventure, multi-sport. D'accord. Stéphanie, voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de ça, vous c'est deux. La présentation mais de on est là surtout pour parler de votre passion, votre projet qui vous tient à cœur. Voilà. Et ce projet, ben justement, on est là pour le faire découvrir. Tout à fait. Donc en fait, il s'agit, donc, comme on l'a dit dans notre présentation, d'un raid multisport qui se passe en Guadeloupe fin novembre. Et on fait ce raid dans le but de défendre une association qui est l'association Pyrène de Zèle qui œuvre contre la prévention contre le cancer du sein. Donc nous, notre but, c'est donc de faire connaître l'association, qu'on parle au maximum d'elle et aussi de prouver qu'on peut se dépasser. Voilà, enfin, le sport, tout ça, on peut se dépasser par rapport à tout ça. Voilà, moi personnellement, ma mère a été en plus touchée par un cancer du sein, donc c'est une cause qui me touche profondément. Ouais. Et du coup, on est là aujourd'hui pour parler de ce fameux raid qui se passe sur 6 jours avec une épreuve différente chaque jour. Voire deux. Et plein d'épreuves différentes, du trail, du canoë-kayak, de la course à pied, du vélo, swimrun pour ceux qui parlent plus anglais, canyoning, course d'orientation qui sera un gros moment parce qu'on est toutes les deux très nulles là-dessus. Voilà. Autant on va beaucoup se complémenter sur le trail, tout ce qui est course à pied où Stéphanie va être un gros soutien pour moi. Sur le reste, pour tout ce qui est épreuve un peu plus dans les airs, ça sera plutôt moi qui vais la soutenir. Et course d'orientation, on ne compte que sur la bonne étoile. Sur le GPS. Voilà, voilà. On espère qu'il fonctionnera. C'est ça, il n'y a pas de... Non, personne ne va être là pour nous. Donc, parler de l'association, c'est très important, parce qu'ils ont besoin d'aide. Les associations ont beaucoup de mal à se faire connaître, hein, quand ce n'est pas des associations à notoriété nationale. C'est sûr. Donc, c'est une petite asso qui se trouve dans les Pyrénées, ça s'appelle les Pyrènes de Zèle. Comment on l'écrit ? Alors, P-Y-R-E-N, apostrophe, deux, le chiffre. Et L-E-2-L-E-S, puisqu'ils sont deux. Ok. C'est des connaissances très proches, puisque c'est la belle-sœur de Stéphanie. Voilà. Et puis aussi de faire parler du féminin-raid, parce que c'est pas... Enfin, ça commence à être connu, mais c'est que des femmes qui se dépassent, qui viennent de tous les horizons, qui ont tous les âges, et qui sont plus ou moins sportives, parce qu'il y en a qui commencent seulement à se mettre à courir, alors que le raid est dans 8-9 mois, quoi. Donc, ça montre que le mental fait beaucoup de choses. Oui, parce que j'ai bien compris que dans le duo que vous formez, il y en a une qui est sportive de base. Depuis toujours. Et une autre qui a suivi. C'est ça, qui a découvert le sport en même temps que les Landes. Moi, pour vous dire, j'étais toujours dispensée ou dernière quand il y avait les. Comment ça s'appelait à l'école, là, les crosses. Oui, voilà, oui, et Steph, elle était première. Voilà. Mais disons qu'on a ce point commun. Voilà. Donc, non, je ne jetterai pas le premier caillou. Beaucoup d'amis d'enfance qui disent waouh. Eh bien oui, tout est possible, la preuve. Tout est possible, mais... surtout avec le mental en plus. Ouais, c'est... Oui, c'est voilà, oui. Remarque, ouais, le ça. Mental. C'est surtout ça, parce qu'elle ben, n'avait jamais fait de grandes courses. Et ben, là, on l'a vu quand en janvier, on a eu donc notre amie, qui a une amie très proche, qui a été gravement malade et qui est passée à deux doigts de la mort. Oui. Et on s'est dit, 2026 commence très très mal, donc on va écraser cette année qui commence mal, et on va courir 20,26 km. Et elle a suivi, et elle n'a rien dit. Et d'habitude, je peux rechigner pour 5. Et d'habitude, elle est toujours malade quand elle court. Ah, et cette fois-ci, comme c'est le mental, elle n'a pas été malade. Donc, comme quoi, le mental fait pour beaucoup Il aussi. Fait pour beaucoup, ouais. Exactement. Voilà, exactement. Je ne me suis surtout pas posé de questions, parce que d'habitude, quand je pars courir, j'ai un ravito entier sur le dos, de l'eau, des barres de céréales, des compotes. Et là, je suis partie faire les 20 km, 26. Steph avait eu cette idée de dire, oh, bah 2026, on fait 20,26. Ouais. J'ai dit oui. Bon, elle aurait pu dire... Elle m'a dit, mais t'es sûr? Elle, elle ouais, aurait pu inverser, 26-20. Et puis là, j'ai dit, bah oui, de toute façon, on peut le faire. On a nos jambes, on a nos poumons, on a tout qui fonctionne, donc bah, on va y aller. Et puis ça passait, donc on s'est dit, bon, en fait, quand on a l'envie, maintenant on fait un raid. Tout est possible. Ouais. Oui, oui. Je ne dis pas qu'on ne va pas pleurer des fois, hein, sous 35 degrés. Mais voilà. Ça peut arriver. Je pense que les nerfs vont être mis à rude épreuve, mais... Oui, mais dans ces cas-là, vous vous souviendrez de... Parce que c'est votre première interview. C'est, oui, en plus. Voilà. On reviendra débriefer au mois de décembre pour dire si on est encore copines ou pas. Oh, non, c'est important. C'est aussi une belle preuve d'amitié pour moi, parce que je pense qu'on ne fait pas ça avec n'importe qui. C'est sûr. Il faut avoir des liens solides, très sains. Très authentique parce que ben voilà, on va être mis à rude épreuve, les nerfs, la fatigue, il y a un décalage horaire qui va être là dès le début, qui va falloir aussi gérer en plus des épreuves, ça on n'y a pensé qu'après. Et puis là c'est tout un projet aussi, dès le début là il faut qu'on se mette d'accord parce que du coup ben, on est dans la recherche aussi de sponsoring et tout ça, donc on crée des dossiers, on fait des demandes, on se met d'accord sur certaines choses. Là on va lancer une animation très prochainement avec une soirée avec des grillades pour faire venir plein de monde et tout. Donc, il faut qu'on se mette aussi d'accord sur tout, en fait. C'est une aventure qui dure bien plus que 5 jours. C'est pas une qui décide et l'autre qui suit. Il faut à chaque fois qu'on se mette d'accord. Ouais, il faut être les deux en phase. Voilà, sur la même générale. Très en phase. Voilà. Très en phase. Ouais, sauf sur le menu, le prix du menu adulte, on n'était pas trop d'accord, mais on a réussi à se mettre d'accord. Non, c'est une aventure, oui, c'est ça. Déjà, c'est une aventure humaine avant même que le raid commence, parce que... On embarque aussi nos familles, hein, parce qu'il y a nos chers maris et enfants qui vont rester en France, qui nous supporteront de là d'ici. Fallait qu'ils suivent également. Hein, Eux qui vont assurer l'intendance à la maison. Ouais. Oui, et puis qu'ils soient d'accord. Qu'ils nous supportent. C'est une aventure familiale aussi, dans ce sens-là. Et qui dure bien plus que 5 jours. Ça serait intéressant d'avoir l'interview des maris, d'ailleurs. Peut-être pas quand on sera là-bas. Alors, on cherche un sponsor, là. C'est une pizzeria où on va tout le temps. Il faut en profiter. Non, mais pour vous dire, on va tout le temps dans cette pizzeria. On se fait très souvent des pizzas avec Steph et son mari. Et on a dit, il faut qu'on négocie en plus du sponsoring, qu'ils offrent une semaine de pizza gratuite à nos maris quand on ne sera pas là, passe mieux. Oui. On s'est dit, il va falloir négocier des sponsors qui vont les nourrir pendant que... Mais oui, non, c'est vrai que ça embarque tout le monde, quoi. Ouais. En fait, la principale question, c'est vrai que nous, on était hyper emballés toutes les deux, mais on s'est dit, attends, on se pose, on demande, parce qu'on n'est pas toutes seules. Enfin, on demande. On n'a pas besoin non plus de demander. On informe, C'est ça, c'est ce qu'on a dit. On fait genre qu'on demande, mais bon, il faut quand même que les maris soient d'accord aussi. De se dire, elles ont 6 mois de prépa avant, déjà tant sur le plan sportif que sur informer. Aujourd'hui, on est à la radio, ça prend du temps. Hier soir, on a passé la soirée, ou je ne sais plus, avant-hier, à essayer de voir ce qu'on pouvait faire comme animation, préparer comme projet pour ramener des fonds, créer des logos, faire ça plein de choses. Donc, c'est un job. Ils savent que pendant 6-8 mois, on est disponible pour nos familles, mais on est quand même à fond là-dedans. Donc, il fallait qu'eux aussi ils soient d'accord de nous suivre. Puis, il y a nos parents aussi. Ils nous suivent aussi. Il y a nos amis qui nous motivent pour... parce qu'autant là, on court, mais autant le kayak, je pense qu'il va falloir s'entraîner fortement si on ne veut pas se mettre des coups de pagaie. C'est ça. Il y a plein de choses. Et on voit que... Mais beaucoup de monde sont prêts à embarquer et à nous aider. Et encore hier, on faisait du trial avec un groupe et il y a quelqu'un que Steph connaît qui nous a dit « Mais je peux vous entraîner, si vous voulez, au kayak, à la course, au VTT. » Enfin, il y a beaucoup de sports. Ça fédère vachement le sport et ça rassemble. Donc, Et on se rend compte que des personnes qui étaient même pas... Enfin voilà, on les croise, on dit bonjour, et ben ils sont tout de suite embarqués. Oui, ça a révélé certaines choses. Et prêts à aider. Ouais, c'est, ouais. C'est, et c'est beau, en fait. Franchement, c'est top. C'est top. Oui, oui, ça, bah, c'est un message positif. Parce qu'on se dit, tout le monde est dans son coin. Et à des fois, et ben, il suffit d'avoir la petite étincelle pour susciter des réactions et qui sont généralement positives. Ouais. Et on veut que cette petite étincelle suscite pour cet asso aussi. Vraiment, mm-hmm. Ça se fasse connaître par ce biais-là, parce que les gens s'intéressent à nous pour la Fémina, mais qu'après, derrière ça, nous, on met en avant l'association des Pyrénées de Zèle. Et oui, et oui. Et du Océan, alors c'est un surnom pour votre duo. Il fallait choisir un nom d'équipe. D'accord. On est un vrai duo pour le coup. On est vraiment un vrai duo. On dit souvent la même chose en même temps. Enfin, on pense. C'est vraiment. Et puis, on est sur la côte à 4 km de l'océan. Donc, c'est très souvent qu'on se retrouve pour un apéro sur la plage, un goûter avec les enfants. Je crois que c'était un footing. Non, c'est pas ça. Footing, oui, aussi footing. Mais on fait aussi beaucoup d'apéros. Non, mais voilà, on est très souvent, enfin, Steph, depuis qu'elle est née, et puis moi, depuis quelques années, l'océan, ça nous ressource. Donc, on est vraiment à fond. Un mot, tant qu'à faire, c'était tout trouvé, quoi. Le duo océan, je trouve. Si on trouvait que c'était joli, que ça sonnait bien, que ça nous représentait bien. Parce que, puis l'été, on est tout le temps à la plage, on est tout le temps, on est tout le temps au bord de l'océan, quoi. D'accord. Et puis on va traverser l'océan pour aller en Guadeloupe. Donc, tout matchait très bien, voilà. Moi, je voulais quelque chose en rapport avec le duo, et puis l'océan. Voilà. Et puis, t'as trouvé ce petit nom. Voilà. D'accord. C'est notre nom d'équipe. Et si quelqu'un donc veut vous aider dans cette aventure, quels sont les moyens On a les réseaux sociaux, donc notre page Instagram, donc le duo océan. Donc on a mis une cagnotte en ligne pour tous ceux qui veulent participer et soutenir l'association. Sur quelle plateforme c'est ? C'est GoFundMe. D'accord. Alors, c'est une cagnotte justement solidaire aussi. Je ne sais pas si on pourra donner le lien ou quelque chose qui peut qu'on trouve la cagnotte. Et puis après, du sponsoring sur les sociétés, les entreprises, sont acquis à notre cause et qui, eux, du coup, peuvent déduire leurs charges. Donc, c'est un peu plus intéressant. Bon de le préciser. Mais c'est vrai. Donc là, on est à fond en ce moment dans cette partie-là, dans le démarchage justement. Enfin, le démarchage, c'est un petit peu vendre, présenter notre projet, expliquer notre cause. Donc il y a ceux qui disent non tout de suite, il y a ceux qui disent pourquoi pas, et il y en a qui sont tout de suite très emballés et qui disent mais moi je suis à fond et voilà. Donc c'est chouette aussi. Mais c'est une autre partie de l'iceberg. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'à la fin, on va voir super, on a fait un raid, mais on aura fait beaucoup, beaucoup de choses en amont. C'est ça qui est pareil. C'est un défi. Avant le défi, il y a déjà un défi. Et puis, il y a le défi de la prépa aussi qu'il faut gérer. Donc, c'est un boulot... Et est-ce que justement, ça arrive, vous arrivez à concilier avec vos boulots respectifs? Quand on veut, on peut. On peut pas toujours s'entraîner en même temps. Non, parce que je suppose qu'en plus du boulot en lui-même, la préparation des maris et des enfants, arriver à savoir dosage. C'est des journées de 36 heures. C'est ça. Non, mais après, c'est vrai que déjà, en temps normal, on communique beaucoup toutes les deux en permanence sur WhatsApp. Et là, c'est vrai que dès qu'on a une idée, paf, on se la balance dans un sens, dans l'autre. Et puis, ma foi, on ne se pose pas trop de questions. Moi, la semaine dernière, elle m'a dit « Allez, dimanche, il y a le trail, on le fait. » on le fait, on ne se pose pas plus de questions, on y va. Arrêter de se poser des questions. On n'est pas là à se dire « Tiens, mais c'est dimanche, on va faire la grasse mat. » On a un but, on a un objectif, on y va à fond. Et on se reposera plus tard, ou quand on sera mort. Voilà. Jusque-là, pour l'instant, on est en pleine forme, on est en pleine possession de nos moyens, donc on y va à fond. Et on ne se pose pas trop de questions. On sait qu'il faut qu'on le fasse, donc on le fait. D'accord. Et puis quand on peut, on se rejoint. Steph, elle est coiffeuse, donc elle bosse les week-ends aussi. Moi, aide-soignante, je bosse deux jours, deux nuits, les week-ends, les jours fériés. Enfin voilà, donc on a un rythme qui est cadencé, vraiment pas toujours pareil. Mais c'est pareil, on n'est pas obligé de se voir quatre fois par semaine pour s'entraîner, pour en discuter. On est très. C'est la force aussi de notre duo, c'est qu'on est très raccord sur beaucoup. Quasiment tout. On est toujours d'accord. Enfin, on a vraiment les mêmes idées, la même vision du truc. Et puis on sait toutes les deux pourquoi on le fait. Je veux dire, personne n'a forcé l'autre. Donc, oui, c'est ça. Pour dire, je vois pas l'intérêt de dire, ben moi je vais pas y aller parce que j'ai pas le temps, parce que je suis. Enfin, on a signé toutes les deux pour y aller. C'est ça. Donc chacune trouve le temps dans son emploi du temps d'y aller. C'est ça. Et voilà, on sait que c'est comme ça, quoi. Il y a l'objectif à la fin, donc voilà. D'accord. Et c'est un projet que vous aviez mûri pendant pas mal de temps, ou c'est venu d'un coup avec le déclic dont vous aviez parlé tout à l'heure ? L'un et l'autre, je dirais. Parce que ça fait quoi, 2-3 ans qu'on veut vraiment faire un projet comme ça ? Un gros projet, un gros défi, on va dire. Mm-hmm. Il y a eu le gros défi où on a lancé le projet justement Pékin Express, voilà. On a fait tout le dossier. Oui, c'est là où je voulais en venir, parce qu'on rentrait tout à l'heure, on a évoqué Pékin Express. Il y a 3 ans, je crois. On avait fait une belle vidéo bien montée, et quand on a tout envoyé, on a vu qu'il ne fallait pas faire de montage. Donc bon, c'était loupé. On voyait les raids, tous les raids féminins qui existent, mais en se disant, pas le temps, pas moi le niveau, Et puis, on est retombé avant Noël, je crois, là-dessus. Enfin, on voyait des publications passer, puis on se les envoyait, t'as vu. Ouais, et après, on s'est dit, mais pourquoi pas nous ? Et oui. On s'est dit, quand même. Et puis, notre ami qui a eu, qui a été très malade, on s'est dit, mais il faut arrêter. On le fait, allez, on le fait. On peut, donc on y va. Enfin, vraiment, ça nous a fait un gros déclic. Et on s'est dit, quand on veut, on peut. Donc, on va ensemble, on peut tout faire. Et on va tout faire pour y arriver, surtout. Et vous avez donc ce petit village qui est à fond derrière vous. Oui, Vielle-Saint-Girons. Alors, on ne dit pas Vieille, on dit Vielle-Saint-Girons. Voilà, un petit bourg de 1100 habitants. Non, c'est vrai qu'au début, je pense que les gens, à force d'en parler, au début, les gens sont très étonnés. Je dis, elles sont complètement folles. Ils disent, oui, bon, ça va leur passer. Voilà, quoi. Elles se lancent dans un truc un peu fou. Puis après, en fait, à force d'expliquer le projet, les actions qu'on a déjà mis en place et celles qu'on veut mettre en place par la suite, les gens sont assez emballés. C'est ça, c'est pas trop déconnant en fait. Ça a l'air de rouler leur histoire. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Bon, moi en plus, je suis originaire du Vielle-Saint-Girons, donc je connais beaucoup de monde. Et puis, je pense qu'on a aussi le culot d'en parler beaucoup. Oui. Pareil, on se pose pas cette ligne de conduite maintenant. On se dit de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. On a mis du temps aussi à se dire qu'il fallait qu'on s'expose. Parce que là, on s'expose, clairement. Sur les réseaux, on n'est pas du genre à se mettre en photo, mais il n'y a pas le choix. Et on s'est dit, de toute façon, ceux qui suivront, suivront. Ceux qui ne voudront pas. Enfin, on ne force personne. Mais il fallait aussi se jeter dans le bain, se dire, on va s'exposer. Là, clairement, les gens vont savoir qui on est. Et moi, je vois au boulot, du océan, c'est moi, c'est moi. Je suis un peu gênée, quoi. Et c'est vrai que ça importe tout le monde. Moi, mes parents, par exemple, ils ont un camping sur la commune. Je dis à mon père, écoute, tu vas être le premier sponsor, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Ça sera le choix. Voilà. Là, pareil, on a réquisitionné les lieux pour organiser notre soirée grillade. Je lui dis, c'est chez toi. Donc, je pense qu'ils sont aussi fiers à la fois de se dire, c'est ma fille, machin. Oui. Voilà, mais c'est vrai qu'on emporte vraiment tout le monde. Et ça fait connaître le petit village aussi. Enfin, c'est vrai que c'est tout un élan ensemble. Y a une émulation autour de ça. Et... C'est ça. Et puis, c'est bien de voir que deux petites nénettes perdues dans les Landes peuvent faire de grandes choses et passer à la radio. Et Tout à fait. On espère aussi sur d'autres canaux qui seront vus, mais... Oui, ça c'est clair. Il faut commencer par quelque part. Exactement. Et déjà d'être ici, c'est... jamais, je pense qu'on aurait pensé passer à la radio à jour. C'est énorme. C'est fou quand on réécoutera cette interview. On se dira, on a fait ça, quoi. On a osé. Notre ligne de conduite 2026, on s'est dit, qui ne tente rien n'a rien. Et puis on arrête de... on fait ce qu'on veut faire, notre projet... On arrête de penser au conduira-t-on et voilà. Et donc ce projet, il va se dérouler à quelle date ? Jusqu'à quelle date ? Du 17 au 22 novembre 2026. 17 au 22 novembre, c'est plein hiver ici, choc des températures. On a la chance cet été, je pense qu'on va s'entraîner aussi au bord de l'océan, on va s'entraîner au sable, on va s'entraîner à la chaleur, à tout ça. Parce que je pense qu'il va y avoir quand même un sacré... Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent « Oh là là, la chance, tu vas être sous 35 degrés !» Oui, mais enfin non, vais faire 20 km en courant. Donc non, 35 degrés, c'est pas cool. On a fait l'année dernière les 10 km de Souston, il faisait 37. C'était déjà très très dur. Et là, on se dit, ouais, la chaleur va être un vrai défi parce qu'on était plus du genre, quand il fait très chaud l'été, à y aller très tôt le matin ou tard le soir pour éviter ça. Et là, on n'aura pas le choix. Voilà. Et on a déjà un sac à dos avec 3 litres d'eau obligatoire à porter pendant la course, donc on va aussi falloir s'habituer à ça. Mais oui, la chaleur va être aussi un gros défi pour nous. On n'est pas... Si, quand on est en maillot de bain, oui. Mais... Ouais. C'est vrai, quand on le dit, c'est un bois de loup. Les gens disent, oh, bah, ça va, c'est farniente. Ah non, on part, en fait, un jour avant et on rentre le lendemain. En fait, on n'y va pas pour faire farniente. Voilà, on y va, on fait nos épreuves tous les jours et on rentre. Donc, voilà. Sinon, il faut motiver, là, il faut motiver les maris pour dire que vous allez vous requinquer avant de revenir en pleine forme. Ah, bah, de toute façon, on ne va pas se plaindre. Hein. Je pense que là, on va se faire recevoir si on se plaît. Ils vont nous dire, vous l'avez voulu, vous avez cassé les pieds avec ça pendant des mois. Donc, voilà. On lance un appel au partenaire pizza. Donc, voilà, peut-être double la dose. Voilà, sushi, enfin tout, hein, tout ce qui peut nourrir. Voilà, hommes et enfants. Bon, mais c'est un sacré défi en tout cas, oui, ouais. Qui est raconté avec beaucoup de passion, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir que ça s'entende. Voilà, c'est un défi du cœur, vraiment, pour le coup. C'est le but. Bon, ça va, cette première expérience radio, ouais, pas trop dure. Ça va. En fait, ça se voit pas du tout. Bah, à force de parler, ça va mieux. C'est le début qui est bizarre, je trouve, avec le micro, c'est pas naturel, quoi. Bon, ça va, ça va. Ouais. En tout cas, c'est vous êtes, on est faites pour, pour les sorties. Plateaux. Vous pouvez enchaîner maintenant sur les grandes radios, il n'y a pas de souci. TF1, si vous nous entendez, on est dispo. Elles sont là. Bon, mais merci à toutes les deux. Merci, merci de nous avoir accordé ce temps. Et puis, si vous aussi qui vous nous écoutez, si vous avez envie de partager de la passion avec autant de verve que Ophélie et Stéphanie, ou pas, parce que là vous avez mis la barre assez haute quand même, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux de Radio Côte Basque et par email sur radiocotebasque@gmail.com. Merci les filles. Merci beaucoup.